J'arrive dans les buts, dis-toi que je vais casser la cage. Le TDM, je le mets droit, je fais même des dérapages. Ils sont jaloux, je pense, là ça sent le boycottage. Enfin, si les petits grandissent trop vite, tout c'est moi qui prends de l'âge. Oh, check, y'a des rats. Le TDM, je le mets droit, je pense, je fais même des dérapages. Ils sont jaloux, je pense, là ça sent le boycottage. Enfin, si les petits grandissent trop vite, tout c'est moi qui prends de l'âge. Oh, check, y'a des rats. Y'a même des caméras. On veut se tailler au baléa. Moi c'est Jules, je viens de la thèse. 1-3-5, tu connais l'adresse, pas de mal adresse. J'fais ça bien comme le vol et les bateaux dans le 13. J'ai souffert et ils l'ont pas vu. J'ai crisé en garde à vue. Moi et mes potes, on aimerait pister des beaux boules jusqu'à en perdre la vue. J'ai vu comment ils parlent de moi quand j'suis pas là. Ces gros bâtards, j'les vois et font comme s'ils m'avaient jamais connu. J'espère que t'entends. J'ai réussi avec la musique, d'autres réussites avec le crime, le vol ou un pendant. Qui se rappelle quand j'passais avec ma Twingo, soit enfant. Avec mes potes du tiers, ont goûté la crise dans ces bas-fonds. Vive bien pour eux, c'est dur. Ils s'en remettent à l'alcool. Ils traînent les voies des murs, demandent des passes pour des plans folles. C'est hallucinant tout ce que j'écris en bas du bâtiment. Lui, j'l'aime pas, lui, j'l'aime bien, même si c'est une trompette, même ciment. Sur le ciment, j'étais en veste pas à jeter. Maintenant, tu merci pour le plaisir, j'me loue une Porsche, j'étais. La chaîne c'est bien, c'est m'a aidé à me souvenir la valeur de l'argent. M'a aidé à pas le claquer bêtement. Pour des folles qui écartent leurs jambes, j'ai toujours mon air bête et gentil. Sens-tu qui pourrait me lever la vie pour une poignée de centimes? Cherche la paix comme Gandhi. Peace and love, c'est mon ganja. Le petit Joe l'a grandi. Trimballe des fois sous gunshot. J'aimais bien le bruit de la moto qui me levait le matin. Ou le pote qui venait me sonner en me racontant son baratin. J'arrive dans les buts, dis-toi que je vais casser la cage. Le TDM, je le mets droit, je pense, je fais même des dérapages. Ils sont jaloux, je pense, là ça sent le boycottage. Enfin, si les petits grandissent trop vite, tout c'est moi qui prends de l'âge. Oh, check, y'a des rats. Y'a même des caméras. On veut se tailler au baléa. On vient au baléa. J'arrive dans les buts, dis-toi que je vais casser la cage. Le TDM, je le mets droit, je pense, je fais même des dérapages. Ils sont jaloux, je pense, là ça sent le boycottage. Enfin, si les petits grandissent trop vite, tout c'est moi qui prends de l'âge. Check, y'a des rats. Y'a même des caméras. On veut se tailler au baléa. On vient au baléa. J'suis pas de ceux qui a prévu son pote pour aller à la plage. J'suis plutôt ceux qui est maisonné, déliré en bande et faire carnage. Alors où j'parle, change Jamaïque, assis sous un cocotier. Ça change de Marseille, l'escale ou encore même l'abricotier. Parfum Jean-Paul Gaultier, Prada, Zadig et Voltaire. Tu peux te faire casser ta tête au charbon si tu fais du vol d'herbe. Voler, planer, changer un peu de direction. Ça fait oublier la galère, la voiture sans direction. J'suis en fumée de sombre, allongé tête vers les nuageux. Et quand j'suis à jeun, j'ai envie de niquer des rageux. Passe-moi un rajout, toi tu es là, tu te la joues. T'en as d'un chou, tu reprends un crochet dans la joue. En ce moment, je fais le même rêve, je libère mes frères condamnés. Soit une grande falaise qui est pleine, c'est que j'atterris jamais. Rien à foutre de ton Chanel, j'ai bien mis ta canette. Ça fait des temples à la lime, peut manquer du demande à Jamel. J'ai eu plein de potos, oui, beaucoup m'ont laissé. Mais bref, on parle plus de, je veux pas les rabaisser. Que ça veut passer sur la folle que t'as baisé, ouais. Que ça veut fumer sur mon jeune veut qui m'a apaisé, ouais. Lui, je le connais bien, au début, il était un chien. C'était un mec bien, mais il s'est mis à vendre la machin. Il s'est acheté un machin avec les sous qu'il a investi. Il a pas mis bien sa mif, ouais, l'argent l'a travesti. J'arrive dans les buts, dis-toi que je vais casser la cage. Le TDM, je le mets droit, je pense, je fais même des dérapages. Ils sont jaloux, je pense, là ça sent le boycottage. Enfin, si les petits grandissent trop vite, tout c'est moi qui prends de l'âge. Oh, check, y'a des rats. Y'a même des caméras. On veut se tailler au baléa. On vient au baléa. J'arrive dans les buts, dis-toi que je vais casser la cage. Le TDM, je le mets droit, je pense, je fais même des dérapages. Ils sont jaloux, je pense, là ça sent le boycottage. Enfin, si les petits grandissent trop vite, tout c'est moi qui prends de l'âge. Check, y'a des rats. Y'a même des caméras. On veut se tailler au baléa. On vient au baléa. Il calcule plus personne depuis qu'il a fait une grosse somme. Le pire c'est son argent, sa gadget qui lui consomme. Voyez les consommeurs, je connais pas mais je veux toucher le sommet. Je me suis endormi en pleurant que personne ne réveille dans mon sommeil.